Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ce sont des tribuns, des foudres d'éloquence, car pour convaincre une foule, une assemblée, un ami, il est nécessaire de maîtriser l'art du discours. Nos anciens ont beaucoup à nous apprendre. En 1679, René Barry, historiographe, fait paraître sa méthode pour bien prononcer un discours et pour bien le animer. Oui, pour bien animer son discours, il explique qu'il faut prononcer et régler le geste et l'accent. Le livre est donc divisé en deux parties, l'accent et le geste. Il en donne la liste. L'accent du prédicateur, de l'amour, de la jalousie, de la fuite, de la crainte, de l'envie ou encore de l'indignation. Et puis, il y a le geste de l'étonnement, du triomphe, de l'abattement, du pouce à bout. Pour l'auteur, il faut donc régler l'un avec l'autre. Malheur à l'orateur qui adopte l'accent de l'audace et le geste de la plainte, l'accent de l'indignation et le geste de la confusion. Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Dites-moi, Jean Garrigue, nous avons tous des souvenirs de grands moments oratoires, plus ou moins récents. Si je vous parle du général de Gaulle, le général de Gaulle était-il un bon orateur ? On peut dire que d'abord c'était un très bon écrivain, et on le sait, qui passait, repassait ses copies pour qu'elles soient les plus lisses possibles. Il n'est pas au départ un grand orateur. L'appel du 18 juin 1940, même s'il était entendu par très peu de gens, n'est pas un chef-d'œuvre. Mais il faut reconnaître qu'il s'est beaucoup amélioré et surtout qu'il a appris justement à maîtriser les instruments de sa communication, c'est-à-dire la radio dans un premier temps. Et ensuite, la télévision, pour laquelle, au départ, il était quand même assez malhabile. Oui, et puis il a maîtrisé très bien cette télévision lors des conférences de presse. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons aux tribuns de la République. Et je vous pose cette question sur le général de Gaulle, tout simplement parce que, en cherchant les archives avec Milena Hellig, qui prépare cette émission aujourd'hui à la technique Jean-Frédérix, sommes tombés sur cette archive de Raymond Aron, qui discute avec Pierre-Olivier Lapie à propos du général de Gaulle. Eh bien maintenant, je crois, nous entrons dans un monde nouveau. Jusqu'à présent, nous avons entendu parler d'orateurs parlementaires qui parlait aux quelques centaines de collègues, ou à la rigueur dans une réunion publique, c'est-à-dire dans les cas extrêmes, quelques milliers de personnes. Avec de Gaulle, nous entrons dans un âge nouveau, celui où l'orateur est invisible et s'adresse à des millions de ses semblables. Et je crois que le plus grand événement d'art oratoire radiophonique de notre époque, ce sont les discours du général de Gaulle. Sans aucun doute, Pierre-Olivier Lapie. Ça, je suis tout à fait de votre avis. La radio oblige en effet à ramasser, dans un temps imparti, et évidemment, pour De Gaulle, cela a joué un rôle particulièrement remarquable. Eh bien, heureusement pour De Gaulle, il n'était pas orateur. Car qu'est-ce qu'on croit être un orateur en général dans le public ? Eh bien, c'est l'œil étincelant, la voix brûlante, les cascades des périodes, le mouvement de la main et du bras qui les amplifie au-dessus des foules. Ainsi Gambetta disait, en période électorale, chacun de ces villages de Provence, perché sur son roc, est une tribune de granit d'où je puis remuer les espaces. Eh bien, De Gaulle ne faisait pas de campagne électorale et il ne remuait pas des espaces, mais il a remué l'histoire. Alors nous étions en 1947, donc le général De Gaulle dont il est question n'est pas celui qui mène cette longue campagne qui l'a conduit jusqu'à la présidence de la République, le général De Gaulle. Jean Garrigue, malgré tout, c'est intéressant de se dire qu'en 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a cette réflexion sur l'éloquence des hommes politiques. Oui, parce que on sort quand même d'une période qui était l'âge d'or de cette éloquence, en tout cas les débuts de la Troisième République jusqu'en 1914, mais on trouve encore de très grands discours dans les années 20 ou dans les années 30. Et Léon Blum, par exemple, était quand même un orateur de tout premier ordre, dans un style très particulier, un peu très emphatique, un peu émotionnel comme ça. Mais c'est intéressant de voir qu'on prend en compte, justement au lendemain de la guerre, ce nouveau média qu'est la radio. À vrai dire, ça fait déjà à ce moment-là une bonne dizaine d'années qu'un certain nombre d'hommes politiques ont appris à utiliser la radio, y compris des acteurs surprenants comme par exemple Gaston Doumergue, que tout le monde appelait Gastounet, qui avait été président de la République et qui revient au pouvoir en 1934 comme président du Conseil et qui va utiliser à plusieurs reprises la radio pour communiquer de manière très très forte et de manière profonde. profonde, c'est-à-dire pour communiquer son plan de réforme de l'État aux Français, dans un style très familier, avec son accent du méridional, et qui a beaucoup plu aux Français. Et ça, c'est une forme d'éloquence totalement nouvelle par rapport à ce qui existait encore 10 ans plus tôt. Dans cette forme d'éloquence nouvelle, en évoquant la radio, il manque l'élément essentiel quand nous pensons au tribun à la tribune, c'est l'image, c'est-à-dire la gestuelle, la posture. Alors peut-être qu'elle est là au moment où l'orateur parle dans le micro, mais enfin, bon, celui qui reçoit le discours ne le voit pas. Oui, vous avez raison. L'image va revenir par le truchement de la télévision, on va dire dans les années 60, mais de manière très différente, parce que cette image, ça va être l'image de conférences de presse ou de dialogues avec des journalistes, les fameux dialogues du général de Gaulle pendant l'élection présidentielle de 1965 avec Michel Droit. Et là, point n'est besoin de toute cette emphase, de toute cette gesticulation qu'on avait connue sous la Troisième République, parce qu'on s'adressait directement à des publics, je dirais en live, comme on dirait aujourd'hui. Là, on est dans une pause, on est dans quelque chose de beaucoup plus contraint, de beaucoup plus ritualisé à un moment donné. Et c'est une éloquence qui devient très différente, forcément. Et puis tous ces gens qui parlent à la radio, à la télévision dans les années 50, 60, 70, malgré tout avec l'effet générationnel, vous avez cité Edgar Faure, Jean Garrigue, eh bien ce sont des gens qui ont connu ce qui se passait avant. Oui, Edgar Faure est sans doute un des meilleurs connaisseurs de ce que pouvait être l'éloquence classique. D'abord, c'est un historien, Edgar Faure, il faut pas oublier, qui a travaillé sur les monnaies, etc. Et c'est un homme qui est pétri de culture classique, comme l'étaient les hommes de la Troisième République. Et donc, il maîtrise très bien les codes, il les comprend, et c'est, malgré son aisément, son cheveu sur la langue, c'est un grand orateur. C'est un grand orateur que nous écoutons tout de suite. Monsieur le Président, vous avez le génie du verbe, vous avez la phrase facile, vous savez parler devant des foules. Est-ce que tout cela, ça s'apprend? Je ne sais pas. Mais tout peut s'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a une combinaison des capacités initiales, de l'expérience que l'on acquiert et de l'emploi qu'on en fait. De sorte que certains peuvent se laisser aller à leur nature, si elle est exubérante, si elle est plus éloquente. D'autres seront plus gênés, peut-être souvent ils liront des textes, mais cela n'a pas d'importance. Parce que maintenant, ce qui compte beaucoup, c'est le fond. En réalité, l'art oratoire, les techniques d'expression, sont importantes dans un milieu clos. Par exemple, devant un tribunal, dans un prétoire, dans la présence physique, naturellement, cela joue. De même, dans le temps où tout dépendait des mouvements de séance, par exemple à la chambre, ou une intervention à la tribune, ou même du banc, pouvait porter énormément. Là, il y avait, si je puis dire, beaucoup plus d'efficacité à ce qu'on appelle l'éloquence. Mais actuellement, le public est à l'écoute, par la radio, par la télévision, et surtout par le fait. Donc, il recherche ce qui s'est passé. Et quelqu'un qui ne ferait que parler, qui n'agirait pas, ne serait peut-être pas très admis, très considéré. En 1970, Edgar Faure discutait avec Jacques Chancel. Edgar Faure, figure de la vie politique française, alors député depuis l'après-seconde guerre mondiale et ministre plusieurs fois, et puis dans les années 70, président de l'Assemblée nationale. Ah oui, et puis qui a été président du Conseil, il faut le rappeler, sous la 4e République, et donc président de l'Assemblée nationale, et qui, du haut de son perchoir, voit très bien se dessiner à la fois les stratégies de communication, les stratégies rhétoriques. Mais dans ce qu'il vient de dire, il y a un mot-clé. Il a parlé du prétoire. Ces hommes de la Troisième République, de la Quatrième ou même de la Cinquième République, je pense à Robert Badinter par exemple, pour beaucoup ont une formation de juriste d'abord, mais aussi d'avocat. On a parlé de la République des avocats. Et ça, c'est essentiel parce que ces avocats, ils ont appris justement à s'exprimer devant un public clos, comme le dit Edgar Faure. Ils ont fréquenté ce qu'on appelle des conférences d'éloquence, la conférence Mollet-Tocqueville ou la conférence Olivain. Il fut une époque où la plupart des grands, en tout cas des grands parlementaires de la Troisième République, étaient tous passés par ces conférences d'éloquence qui leur donnaient une technique d'éloquence, une technique rhétorique, une expertise en fait dans ce domaine qu'aujourd'hui on ne pourrait pas retrouver. D'ailleurs, c'est intéressant d'évoquer ces avocats, Jean Garrigue, parce qu'au moment de réfléchir au tribun et à la République, nous pouvons nous plonger vers la première de nos républiques, c'est-à-dire au moment de la Révolution française, où là aussi nous trouvons des avocats qui prennent la parole. Exactement, c'est une des caractéristiques de ce qui se passe au moment de cette sorte de révolution de la parole qu'est la Révolution française, qui d'abord, au fond, est d'abord une révolution de la parole, puisque cette parole un peu contrainte, empesée dans le moule des États généraux, se libère au mois de juin 1789 et apparaissent, après dans la salle du manège notamment, vont apparaître de très grands orateurs qui sont capables de remuer les foules, les Mirabeau, les Danton, les Robespierre, dont une grande partie d'entre eux sont effectivement des gens qui ont appris les techniques de l'avocat, les techniques de la rhétorique judiciaire, qui ont fréquenté les parlements où l'on débattait. Alors, là encore, dans des limites beaucoup plus contraintes, mais il y a vraiment là une révolution de la parole qui se fait à partir de cet apprentissage au XVIIIe siècle des codes de la rhétorique classique d'abord, et puis d'une technique qui va s'improviser aussi, qui va devenir, au fur et à mesure que le public vient s'installer dans les travées de la salle du manège, applaudit, réagit, une manière de remuer comme ça les foules, qui les fait sortir un peu du carcan classique de la rhétorique judiciaire, mais qui donne des résultats magnifiques. Des résultats magnifiques, et d'ailleurs nous voyons bien, au moins dans les premiers temps de la Révolution française, que le pouvoir royal ne réussit pas, lui, à trouver un discours qui parle quand ces révolutionnaires issus des États généraux ont adopté quelque chose qui est une nouveauté en soi, cette parole forte avec la volonté de faire bouger les choses. Exactement, je crois que c'est l'une des défaites du pouvoir monarchique est rhétorique. On le voit bien, par exemple, lorsque le marquis de Drobrézé vient essayer d'empêcher les débats, on voit bien que c'est Mirabeau qui lui répond. Alors, Mirabeau n'est pas un avocat, mais Mirabeau possède justement presque de manière innée cette technique de l'éloquence. Et l'on voit bien de quelle manière il écrase complètement le représentant du roi. Et au fond, il va y avoir... Alors, il y aura au moment du procès du roi ceux qui vont le défendre, qui ont aussi déployé des techniques de séduction oratoire qui peuvent être efficaces. Incontestablement, cette nouvelle génération-là, révolutionnaire, qu'ils soient des Girondins, des Montagnards, ce qu'on appelait des patriotes, cette nouvelle génération-là, parce que ce sont des hommes très jeunes, elle amène une forme d'éloquence qui enflamme les foules et qui leur donne cette supériorité par rapport aux monarques. Eh bien, justement, quand il est question de prononcer un discours, il y a l'idée portée, et pour les révolutionnaires, nous saisissons combien cette idée est là pour renverser tout ce qui était en place, ou construire en tout cas autre chose. Mais il n'y a pas que cela à prendre dans le discours, il y a aussi l'aspect physique, et pour Mirabeau, c'est pas joli joli. Les sillons creusés par la petite vérole sur le visage de l'orateur avaient plutôt l'air d'escarres laissés par la flamme. La nature semblait avoir moulé sa tête pour l'Empire ou pour le gibet. Taillé ses bras pour étreindre une nation ou pour enlever une femme. Quand il secouait sa crinière en regardant le peuple, il l'arrêtait. Quand il levait sa patte et montrait ses ongles, la plèbe courait furieuse. Au milieu de l'effroyable désordre d'une séance, je l'ai vu à la tribune, sombre, laid et immobile. Il rappelait le chaos de Milton, impassible et sans forme, au centre de sa confusion. Pierre Fresnay qui disait un portrait de Mirabeau, portrait écrit par Chateaubriand. Jean Garrigue, c'est formidable de se dire que Chateaubriand, au moment de critiquer Mirabeau, donne une telle importance à l'aspect physique. Oui, parce que c'est un paradoxe, mais on peut dire que la laideur physique de Mirabeau est presque un atout dans son registre rhétorique, dans son registre d'éloquence, parce que elle lui donne une sorte de force, de puissance qu'on retrouve chez Danton, par exemple. C'est amusant de voir le contraste avec un Saint-Just qui, lui, au contraire, est tout jeune, qui apparaît comme une sorte d'archange de la Révolution, mais qui, lui aussi, est un grand manieur de mots et qui trouve des formules cinglantes. Et donc, il y a plusieurs types, on le voit bien, se dessiner. On pourrait en citer beaucoup d'autres, les Rabault Saint-Étienne, l'abbé Grégoire, etc. Robespierre, qui est capable d'émouvoir, de faire pleurer son public. On le dit, les témoins le racontent. Donc il y a plusieurs types comme ça, et on voit bien aussi que cet aspect physique, cette gestuelle, qu'elle soit un peu répulsive, puissante, ou au contraire, je dirais, dans une sorte de beauté esthétique, eh bien, tout ça participe de la conviction, de la manière dont on va faire prévaloir ces idées. Jean Garrigue, vous êtes professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po. Vous présidez le comité d'histoire parlementaire. Et justement, dans votre travail, il y a cet ouvrage, qui est plus le fruit d'une collection, ces grands discours parlementaires de Mirabeau à nos jours, publié chez Armand Collin. Dans ce choix des grands discours, mais écoutez, je sens qu'il y avait un peu trop, parce que c'est énorme la production de discours. Bien sûr, lorsque vous essayez comme ça de réaliser une anthologie, c'était pas la première, mais je crois que c'est aujourd'hui la plus complète, parce qu'au fond elle couvre 7 volumes. Mais je remercie les collègues qui ont participé avec moi. Le choix qui doit être fait repose sur deux critères essentiels. L'un, évidemment, est celui de la qualité proprement dite du discours, la qualité stylistique, rhétorique du discours ou littéraire. Mais l'autre, c'est aussi la pertinence, l'objet, le moment aussi, le contexte et la force de ce discours. Ce que disait Edgar Faure sur l'importance de l'idée. Il n'y a pas de grand discours sans une grande idée. Vous pouvez être le plus grand orateur du monde, si vous ne faites pas passer quelque chose de fort, eh bien, ce ne sera pas considéré comme un grand discours. Et puis, il y a un aspect humain essentiel aussi, parce que ces discours sont portés par des hommes, par des femmes. La République incarnée de Léon Gambetta et Emmanuel Macron, c'est un autre de vos ouvrages, Jean Garrigue chez Perrin. La République incarnée, c'est-à-dire qu'il est important pour ce discours de savoir qui le porte. Exactement. Et ce qui a fait la célébrité, mais c'est plus que ça, la popularité, presque l'idolâtrie qui a accompagné un homme comme Léon Gambetta, par exemple, dans les 10 premières années de la Troisième République, c'est précisément la manière dont il a réussi à incarner précisément ces idées, ces valeurs de la République. Et il le devait à ces tournées qu'il a multipliées dans toute la France à partir de 1871, où il a écumé même les plus petits villages pour porter cette parole républicaine. Il lui arrivait de parler sans interruption pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il sortait de ses discours complètement épuisé. Il avait perdu 3-4 kilos. Il était malade. Et là, on était vraiment dans l'incarnation. Typique l'incarnation, c'est-à-dire quelqu'un qui, par son corps, dans sa chair, est le symbole même et celui qui personnifie les valeurs d'un nouveau système politique en train de se faire. Nous allons écouter Léon Gambetta, mais pas 5 heures, hein, 49 secondes. Voilà où nous en sommes. Eh bien, sommes-nous véritablement des novateurs quand nous venons vous dire, non pas au nom de nos idées républicaines, ce serait notre devoir, non pas au nom de la démocratie française, ce serait notre mission, mais au nom des droits imprescriptibles des sociétés qui veulent rester libres et maîtresses d'elles-mêmes. Sommes-nous des novateurs quand nous venons dire qu'il est temps de rappeler au respect des lois et de réintégrer dans la position inférieure et subalterne qu'elles doivent occuper dans notre société les églises, quelles qu'elles soient? Messieurs, je dirai toute ma pensée. Il faut choisir. C'est un dilemme que je pose. Ou vous cesserez d'être français, ou vous obéirez à la loi. En 1977, le 4 mai exactement, Léon Gambetta évoque les prises de position de la papauté, des prises de position qui ne conviennent pas du tout. C'est Marc-Henri Boisse qui vient de lire ce discours de Léon Gambetta. Jean Garrigue, dans un discours comme celui-là, alors qui est beaucoup plus long évidemment, nous sentons que ce sont des moments importants dans la vie politique qui représentent presque une synthèse après des mois, des semaines de débats. On fait le point et le choix est posé. C'est en cela aussi que ces discours sont essentiels. Bon, d'abord, c'est le 4 mai 1877. J'ai dit quoi? Votre langue a fourché. Vous avez dit 1977. Ah oui, 1877. Que nos auditeurs s'y perdent. Merci. Mais je pense qu'ils avaient, ils avaient corrigé. Ils avaient restitué. Effectivement, mais vous avez tout à fait raison. C'est le l'aboutissement de tout un débat entre, on pourrait dire que c'est le débat majeur sur l'influence de l'Église dans la société française, au milieu du 19e siècle. Et la manière dont les républicains comme Gambetta veulent essayer de dissocier l'Église du débat public. Ce n'est pas forcément de l'anticléricalisme, c'est simplement l'idée de se séparer qui est en germe, même si au départ Gambetta, par exemple, était lui plus favorable à un concordat et n'était pas encore favorable à ce qui va devenir la séparation des Églises et de l'État. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que dans ce discours, vous employez une formule fameuse d'ailleurs, qui le cléricalisme, voilà l'ennemi. Alors, formule dont il faut rappeler, il le rappelle d'ailleurs, qu'elle n'est pas de lui, mais d'Alphonse Perrat, un de ses compagnons républicains, qui l'a prononcée au moment du Second Empire, en 1864. Bref, cette formule-là résume justement tout ce combat qui est mené par Gambetta, par Jules Ferry, par les pères fondateurs de la Troisième République, et de manière la plus précise, à ce moment-là, comment, par rapport à celui qui est le président de la République, le maréchal de MacMahon, qui est un monarchiste et qui est favorable à l'influence de l'Église dans le débat public, eh bien les républicains essayent de combattre cette influence, essayent de combattre l'influence du pape, de ce qu'on appelle l'ultramontanisme, et essayent de protéger, au fond, l'espace politique de la République et essayent d'en extirper l'influence de l'Église. Jean Garrigue, vous venez de le dire d'ailleurs dans ce discours du 4 mai 1877 de Léon Gambetta, il y a une formule, le cléricalisme, voilà l'ennemi. C'est aussi très important dans le discours de pouvoir développer longuement ses idées, mais dans le même temps, et bien souvent, quelques mots suffisent à le résumer. Alors, parfois d'ailleurs, ce n'est pas si bon que ça, parce que ça dénature un peu la pensée. C'est vrai, mais vous avez raison. Au fond, ce qu'on appelle aujourd'hui des punchlines, et les hommes de la Troisième République ont inventé un certain nombre de formules. C'est pareil pour ceux de la Révolution française, d'ailleurs. De l'audace, toujours de l'audace, Danton, voilà ce qu'on a retenu de son discours incitant les Français à combattre les monarchies coalisées contre la France. Oui, il y a cette capacité à trouver la formule qui va résumer tout un discours. Mais vous aurez noté aussi la qualité rhétorique, alors l'utilisation d'un certain nombre de techniques, comme par exemple la question ou la pause, la période, etc. Mais il y a un certain nombre de techniques, et il y a aussi quand même une qualité, une recherche d'employer le bon mot au bon endroit, qui ne peut s'expliquer que par la formation classique qui était celle de ces hommes de la Troisième République, en l'occurrence pour Gambetta par sa formation d'avocat, puisque c'est d'abord comme avocat à la fin du Second Empire qu'il a émergé comme un des leaders de la République. Et dans ces petites formules, nous avons un écho à nos jours où sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, c'est vrai que le discours se réduit à quelques mots, et puis surtout la prise de parole peut être rapide, sans cesse, dès lors, disons-le, on parle trop. Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Tu fais bla bla bla, c'est ton rendez-vous. Tu parles à tort des gens que tu ne connais pas. Tu dis bien fort ce que l'on pense tout bas. Tu fais bla bla bla, c'est ton rendez-vous. Tu parles à tort si la parole est d'argent. J'aurai bientôt fait fortune en t'écoutant. Tu fais bla bla bla, c'est ton défaut, oui. Oui, tu parles trop avec ta mon percepteur. De mon magot connais le chiffre par cœur. Tu fais bla bla bla, c'est ton défaut. Tu parles fort, tu ne comprends jamais rien. Tu parles à tort, malgré ça je t'aime bien. Tu fais bla bla bla, c'est ton défaut. Tu parles trop, mais quand quand il s'agit d'amour. Rien n'est plus beau, tu peux parler nuit et jour. Oui, oui, ah, c'est jamais trop. Non, jamais trop. Monsieur Eddy, les chaussettes noires, tu parles trop dans le cours de l'histoire sur France Culture, le cours de l'histoire aujourd'hui qui s'intéresse aux tribuns de la République, Hugo, Gambetta, Jaurès, la République et ses tribuns. Jean Garrigue, vous êtes donc l'auteur de ce magnifique ouvrage parce que les grands discours parlementaires de Mirabeau à nos jours fait partie de ces ouvrages dans lesquels on peut puiser comme picorer. Ça. Donc picore, j'adore, qu'on pose, qu'on reprend ensuite. Dans la recherche de ces discours, il y a cette facilité qu'ils sont énormément diffusés. Dans la notion de discours, nous avons l'oralité, mais dès la Révolution française, ces discours sont écrits. Oui, ces discours sont écrits et diffusés, vous avez raison de le signaler, parce que c'est fondamental. Est-ce que ça intervient dans la fabrication du discours? Certainement, à un moment donné, déjà sous la Révolution française, bon, on sait que les députés de l'Assemblée nationale écrivent beaucoup à leurs commettants, écrivent beaucoup à leurs électeurs, en quelque sorte, donc pour les considérer comme ça. Là, il s'agit de transmettre des choses d'abord très très très très fortes qui sont passées par l'oralité, et donc je pense que ça induit aussi une réflexion sur cette oralité, une transformation de l'oralité pour être un peu accessible au plus grand nombre. Et ça vient assez naturellement pour ceux qui sont des avocats de métier. Et alors là, je franchis un peu le 19e siècle pour aller vers Gambetta. On voit bien que Gambetta sans déflorer, sans abêtir son discours, parce qu'il continue à utiliser des formules que certains d'entre nous aujourd'hui trouveraient un peu désuètes ou un peu trop recherchées, sans affaiblir la portée de son discours, trouve les images qui sont susceptibles d'émouvoir le plus grand nombre. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement donc il a beaucoup de succès lorsqu'il va comme ça, il y a des milliers de gens qui se déplacent, qui viennent de communes à 30 km, qui viennent à pied, qui font des heures et des heures de marche pour venir écouter Gambetta. Et alors, quand il est à la tribune donc de la Chambre des députés, il va devenir président d'ailleurs en 1879, quand il est à la tribune de la Chambre des députés, en général, ces discours vont ensuite être répercutés, écrits par son propre journal qui s'appelait La République française, et donc connu par le plus grand nombre. Donc c'est véritablement une force, je dirais, de communication qui implique justement que ces discours puissent être adaptés et puissent être compris par l'ensemble des Français. Donc c'est très intéressant parce que ça induit, je le répète, une sorte de réflexion sur la manière dont on peut être compris par le plus grand nombre. Et puis pour la Chambre des députés ou l'Assemblée nationale, enfin, selon les régimes, il y a aussi ce procédé qui est fascinant quand on les lit, qui est que tout est noté et annoté. Jean Garrigue, hein, vous êtes donc le président du comité d'histoire parlementaire et vous baignez dans ces textes. Et donc quand on les lit, le moindre applaudissement, la moindre réaction est notée. Ça se présente comment ? Ça, c'est ce qui vient à partir d'abord de 1848. On va faire des comptes rendus quasiment in extenso avec des fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui sont dédiés au compte rendu. Et puis à partir de la Troisième République, c'est vraiment professionnalisé. Il y a des équipes dédiées à la Chambre des députés, puis au Sénat pour ce compte rendu. C'est très important le compte rendu, parce que un discours, ça n'est pas simplement le déroulé d'une pensée, c'est aussi les réactions qu'il provoque, les interruptions, les pauses, les silences, les applaudissements. C'est tout ça qui fait la force du discours, qui fait sa compréhension, qui fait sa percussion auprès des auditeurs d'abord, et puis ensuite des lecteurs, parce que je le répète, très souvent ces discours vont ensuite être reproduits in extenso dans la presse. Il faut voir que au début de la Troisième République, vous avez plusieurs grands journaux comme Le Temps par exemple, qui reproduisent de manière absolue la totalité totalité des débats parlementaires, en tout cas la plupart des grands débats. Et donc, tout citoyen français, tout lecteur peut être au courant, et il doit être au courant aussi de la manière dont a été perçu, reçu, interrompu le discours. Et ça, c'est ce qui en fait toute la vie, toute la vitalité, toute la richesse, en fait. C'est entre parenthèses, hein, dans le texte, applaudissements à gauche, insultes à droite. Voilà, ce sont des didascalies qu'on trouve un peu partout dans tous les textes, et que dans ces ouvrages où nous avons donc fait des sortes d'inventaire et de compilation des discours, eh bien, nous respectons évidemment toutes ces interruptions, quitte parfois à couper les discours, en garder simplement la substantifique moelle, mais il faut en revanche sauvegarder justement toutes cette vie qui accompagne le discours lui-même. Eh bien, justement, c'est le moment où le président du Conseil va prendre la parole à la Chambre. La France de 89 avait une mission civilisatrice à remplir. Eh bien, personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf, évidemment, pour quelques affairistes en quête de fortune et quelques missionnaires en mal de conversion. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. Monsieur le Président de l'Assemblée, je demande que les insinuations calomnieuses que le Président du Conseil vient de porter contre les élus du peuple ne soient pas publiées au journal officiel. Bravo. Il me paraît assez délicat. J'attendais cette protestation. Et je ne suis pas surpris qu'elle vienne de vous, Monsieur Jussieu. Vous êtes, je crois, conseil juridique des aciéries Grenner. Je ne vous le reproche pas. Vous êtes trop bon. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale. Il y a des patrons de gauche. Je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Sublime Jean Gabin, président du Conseil, dans le film Le Président d'Henri Verneuil en 1961. Très intéressant ce document, Jean Garrigue, parce que nous avons ici la figure de Jean Gabin qui représente justement ces tribuns et qui assiste à un aspect beaucoup plus technocrate de la vie politique. Cette transition-là, pourtant, le discours, le débat, est essentiel à la vie politique dans une démocratie. Oui, c'est sans doute le film le plus proche de ce qu'ont pu être les débats sous la Troisième République. Alors on ne sait pas très bien sous la Troisième ou la Quatrième, parce que il est à la fois président du Conseil, mais on nous parle de l'Assemblée, alors que sous la Troisième République ça s'appelait la Chambre des députés. Mais peu importe, tout ça c'est un détail. On a là l'écho de ce que pouvait être un discours, là, du président du Conseil, interrompu par un adversaire, la riposte du président du Conseil. Ça ressemble beaucoup à ce qu'aurait pu être, à ce qu'ont pu être des discours, par exemple, de Georges Clemenceau, dont cette figure d'un personnage un peu bourru, un peu autoritaire se rapproche. Georges Clemenceau, interrompu par tel ou tel adversaire, et qui attaque, qui griffe, qui mord, comme savait le faire, justement, celui qu'on appelait le tigre, Georges Clemenceau. Et c'est un type d'éloquence tout à fait particulière. On voit bien, avec cette figure qu'incarne Jean Gabin à l'écran, on n'a pas forcément un orateur de grandes envolées lyriques, comme pouvait l'être Gambetta, par exemple, ou Jean Jaurès, ou voire Victor Hugo, qui écrivait de manière extrêmement précise chaque mot, chaque phrase de ses discours, qui en faisait presque des œuvres d'art. Mais c'est au contraire l'art du duel oratoire, l'art de cette escarmouche qui provoque l'émotion au sein de la Chambre des députés, l'art de provoquer l'adversaire, de l'acculer dans les cordes comme un boxeur. Donc ça, c'est très caractéristique, et certains, comme Clemenceau, avaient ce secret-là. Un secret qui nécessite aussi toute une ambiance. Cette ambiance est celle de la Chambre. Là, nous allons entendre Jean Jaurès à la Chambre, lu par Marc-Henri Bois. C'est la séance du 7 mars 1895. Et il est question des causes de la guerre à cause du capitalisme. Et voilà comment, messieurs, vous aboutissez à cette double contradiction. D'une part, tandis que tous les peuples et tous les gouvernements veulent la paix, malgré tous les congrès de philanthropie internationale, la guerre peut naître toujours d'un hasard toujours possible. Et d'autre part, Alors que s'est développé partout l'esprit de démocratie et de liberté, se développent aussi les grands organismes militaires qui, au jugement des penseurs républicains qui ont fait doctrine, sont toujours un péril pour la liberté des démocraties. Toujours. Votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état d'apparent repos, porte en elle la guerre, comme la nuée dormante porte l'orage. Magnifique discours, une analyse de Jean Jaurès sur les causes de la guerre et que ces sociétés capitalistes portent en elles la guerre. Mais Jean Garrigue, dans le discours lui-même, il manque là. Mais toute l'ambiance, les insultes de l'autre côté, il y a vraiment cette atmosphère très particulière du discours en démocratie. Oui, d'autant plus que bon, Jean Jaurès, c'est vraiment l'archétype, peut-être la quintessence du grand orateur de la Troisième République. C'est un normalien, un agrégé qui possède à merveille les canons de l'éloquence classique. On le dit qu'il avait l'habitude de répéter ses discours en descendant les Champs-Élysées vers le Palais Bourbon. Il les apprenait donc en quelque sorte par cœur. Bon, et il trouve là une punchline, il trouve là une formule, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée dormante porte l'orage, qui va marquer les esprits, mais qui est aussi, et c'est ça qui est intéressant, qui est aussi la quintessence d'une pensée, d'une réflexion, qui est celle des socialistes pacifistes, qui ont introduit ce lien, évidemment, entre les intérêts capitalistiques et la course à la guerre, celle des marchands de canons, dont on voit bien la dimension prophétique, puisque ça va mener à la guerre de 14-18, à la boucherie de la Grande Guerre. Et il y a donc dans ce discours une force non seulement rhétorique, mais une force politique, avec une nouvelle famille qui émerge en 1895. Les socialistes viennent à peine en 1893 d'émerger sur la scène parlementaire avec une cinquantaine de députés. Jaurès lui-même est devenu sur le tard un véritable socialiste. Il était auparavant un républicain modéré. Et donc, il y a là une force rhétorique et politique qui s'additionne et on imagine, et c'est ce qu'on trouve y compris relaté dans les recueils de textes, on voit bien les réactions émotionnelles que provoque un tel discours et la force de cette formule. La force de la formule et la force physique. Dès qu'il est question de Jean Jaurès, ben, nous avons même les représentations parce que ça a intrigué même les artistes, représenter ce moment de Jaurès à la tribune. Tout à fait, il y a énormément de dessinateurs, de peintres qui ont représenté les postures de Jaurès comme une sorte de petit taureau de méridional à la tribune. On peut imaginer aussi l'accent du sud, de Castres et de Carmaux qui étaient les points forts de Jaurès. On peut l'imaginer aussi pour un homme comme Gambetta, dont il faut rappeler que Gambetta avait un œil de verre, ce qui donnait aussi à sa physionomie, en plus lui aussi un petit peu enrobé, une force là qui était tout à fait spectaculaire au sens véritablement d'un spectacle. Et Jaurès, c'est pareil, on a quelqu'un qui vous emporte avec lui dans le lyrisme et à la fois dans la perfection de son éloquence. Et il y a on parlait tout à l'heure des duels ou des escarmouches. Il y a en juin 1906 un duel oratoire entre, je dirais, ce taureau emphatique, mais emphatique c'est péjoratif, ce taureau, j'allais dire presque romantique, qui était fougueux, qui était Jaurès, et de l'autre côté le tigre, le bretteur, qui était Clémenceau, qui est sans doute un des sommets de l'éloquence parlementaire, où finalement Jaurès dit à Clémenceau « Vous n'êtes pas le diable », l'autre lui répond « Qu'en savez-vous ? » Enfin bref, il y a des choses magnifiques dans leur affrontement, quasi philosophique d'ailleurs sur le fond de cet affrontement et très politique au sens où finalement l'un et l'autre définissent ce qu'est leur conception de la gauche, de ce que pourrait être la gauche. Une gauche pragmatique et autoritaire pour Clémenceau et une gauche idéaliste et solidaire pour Jaurès. Eh bien là, vous voyez deux types d'éloquence se heurter, mais deux types d'éloquence au service d'une pensée extrêmement profonde et une pensée, je dirais, qui va couvrir tout le XXe siècle. Justement, quand nous évoquons cet art de l'éloquence, nous évoquons les orateurs, parce que c'est une histoire faite de chair. Et et je vous propose une très belle archive émouvante. C'est la servante de la mère de Jean Jaurès qui, dans les années 1950, se souvenait du petit Jean Jaurès. Et la servante de la mère de Jaurès. Ah oui ? Vous vous souvenez de la manière dont il s'adressait au professeur du collège, de la manière dont il parlait ? Oh oui. Oui, parce que quand il donnait, que c'était la distribution de prix, il montait sur la table, tous les professeurs du collège l'entouraient, et alors je le voyais très bien. Je voyais, et il arrivait, il était trempé de sueur, il fallait que je lui coupe la flanelle, tout pour le faire déshabiller, tellement il suait. Une fois qu'il avait parlé ? Une fois, oh, il parlait 2 heures, sans bouger, et tous les professeurs étaient là derrière qui l'écoutaient, et vous auriez entendu une mouche voler. Oh, j'ai beaucoup connu Jaurès, beaucoup. Jean Jaurès, hein, qui est né à Castres en 1859, des souvenirs de cet enfant. Alors, c'est intéressant aussi d'entendre la servante de la mère de Jean Jaurès qui évoque le petit Jean Jaurès parce que il y a une figure qui se construit en République, le tribun. Et en l'occurrence là, ben, on cherche toujours une origine, même dans l'enfance. Ah oui, c'est passionnant. Je connaissais pas cet extrait et on voit bien déjà le futur tribun qui se dessine dans l'écolier Jaurès et c'est exactement ce que va être sa carrière et sa manière d'éloquence plus tard, une éloquence très très physique aussi où on se donne entièrement c'est drôle parce que cette image me fait penser à une autre image qui est celle du Jaurès. Alors là, on est presque à la fin de sa vie malheureusement en 1913, dans un discours qu'il prononce au Pré Saint-Gervais devant une foule de militants socialistes. Il est juché sur une estrade. Évidemment, il n'y a pas de micro. Il doit s'adresser à des centaines et des milliers d'auditeurs. Et là, on le voit qui se donne entièrement, tout son corps est voué à la communication de son propos, qui était un propos pacifiste, qui visait à combattre notamment la loi des 3 ans, fameuse loi qui allait allonger le service militaire de 2 à 3 ans, et qui était son dernier grand discours populaire, son dernier grand discours de tribun, justement, contre la guerre. Jean Garrigue, dans votre ouvrage « Les grands discours parlementaires de Mirabeau à nos jours », à la lecture, j'ai ressenti ce que l'on peut ressentir en évoquant des chansons qui font partie de notre patrimoine. Il y a des tubes, il y a des succès. C'est extrêmement rassurant de picorer dans ce livre parce que l'on se rend compte que nous avons plein d'éléments qui font partie de notre mémoire commune. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a une sorte de répertoire, là, classique, de ces grands discours qui vont de la Révolution française, de Mirabeau jusqu'à peut-être Christiane Taubira ou même ce discours, je crois, qui conclut notre sélection, qui est celui de Manuel Valls en 2015, au lendemain des attentats, et qui est un grand discours d'unité, de rassemblement républicain, qui inscrit véritablement notre République dans la continuité justement de ce qui a commencé, de ce qui s'est créé au moment de la Révolution française. Et ça qui est passionnant, c'est que vous avez toute une filiation, en passant même par ce qui s'est passé sous les monarchies censitaires, la Restauration, les discours des Berryer, des Lainé, du général Foy et d'autres, de Chateaubriand qui étaient des grands orateurs, puis Lamartine sous la Seconde République, puis ces grands tribuns de la Troisième République qu'on vient d'évoquer. Il faudrait parler aussi d'Aristide Briand, lui qui avait un style très différent, qui était, on l'appelait l'endormeur, c'est-à-dire qu'il était tout dans la séduction, une voix un peu mielleuse et qui à sa manière était aussi tout à fait était aussi percutant et aussi convaincant que ne pouvait l'être ce taureau qui était un Jaurès par exemple. Donc vous avez toute cette galerie d'orateurs qui manie cet élégant jusqu'à François Mitterrand, jusqu'à Georges Pompidou sous la Ve République, qui étaient des grands orateurs. Imaginez Pompidou qui n'avait jamais été élu député, qui n'avait aucune expérience du Parlement et qui se retrouve jeté dans l'arène à partir de 1962 quand il devient Premier ministre et qui va se frotter aux plus grands orateurs de l'époque, les Edgar Faure, les François Mitterrand dont je parlais tout à l'heure, et qui va s'improviser comme un orateur magnifique. Pourquoi ? Bah parce que lui aussi, c'était un agrégé de lettres, c'était un normalien, il possédait tous les codes de la rhétorique, les références littéraires, les références poétiques même parfois. Et donc, il va devenir là aussi un des grands orateurs de son époque. Jean Garrigue, dans ce que vous évoquez justement pour ces grands orateurs et ceux d'aujourd'hui, sans même prendre en compte la politique, c'est-à-dire le contenu, nous sentons bien que le grand orateur ou la grande oratrice, parce que vous avez cité notamment Christiane Taubira dans votre liste, s'appuie sur des références classiques. Il y a une culture, parce que sans cette culture, on ne peut pas faire un bon discours. Il me semble que sans cette capacité à la fois à structurer son propos en référence implicite ou explicite au canon de l'éloquence classique et cette capacité à faire référence à une culture, à un imaginaire qui va frapper très fort parce que il vient de grands créateurs, qu'ils soient des ouvrages littéraires, des ouvrages philosophiques, quand on pense à Christiane Taubira, on pense à toute sa culture de la littérature d'outre-mer. Les Aimé Césaire, Jean-Gontran Damas, etc. Eh bien, cette capacité à la fois à structurer de manière plus ou moins classique et à citer, à se référer à des grands penseurs ou à des images fortes, ben ça, c'est ce qui fait la percussion, c'est ce qui fait l'importance du discours. Et ce qui ne garantit pas toujours la réussite, parce que Jean Garrigue, vous publiez Les Perdants Magnifiques de 1958 à nos jours chez Talendier, et là aussi, il peut y avoir des grands orateurs, mais encore faut-il trouver son public au bon moment. Ben oui, il y a eu des grands orateurs. Je pense à un Philippe Séguin, par exemple, dont le grand discours contre Maastricht en 1992 a été reconnu comme un des grands moments de la vie parlementaire. Mais les aléas de la vie politique ont fait que Philippe Séguin n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa démarche, devenir Premier ministre ou Président de la République. C'était pas faute d'être un grand orateur. On parle d'une Christiane Taubira ou d'un Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui est un des derniers à posséder à la fois les secrets de cette éloquence classique, les références historiques ou littéraires qui ont nourri cette éloquence. Mais par d'autres côtés, je ne suis pas là pour commenter sa carrière politique, mais dont on voit bien qu'il n'a pas réussi à convaincre le plus grand nombre et à se hisser jusqu'au sommet du pouvoir. Donc les secrets de l'éloquence ne sont pas forcément les secrets de l'accession au pouvoir. C'est une belle conclusion, Jean Garrigue, ce qui me permet de rappeler le titre de vos ouvrages. Alors il y a ces grands discours parlementaires de Mirabeau à nos jours, le livre où l'on picore, où l'on apprend et où l'on se rassure, parce que on retrouve plein de discours que l'on connaît chez Armand Collin, et puis Les Perdants Magnifiques chez Talendier. Merci vivement Jean Garrigue de nous avoir parlé de ces orateurs. Et on retrouve tout de suite Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Anaïs, vous nous parlez des statues déboulonnées. En matière de statues déboulonnées cette dernière année, les débats enfiévrés ont questionné la pertinence de ces gestes de protestation. D'autres regrettaient une radicalité qui ne supportait pas la nuance quand les déboulonneurs et leurs supporters s'en faisaient une fête. La plupart des personnages statufiés concernés avaient un lien avec le commerce d'esclaves. Le destin de la statue de Colston de Bristol tient une place de choix dans cette dispute de l'espace public et sa dimension historique. Il y a plus d'un an maintenant, sa statue avait été tirée de son socle et roulée jusqu'au port de Bristol à proximité pour y être balancée dans ses eaux. Les images de cette cérémonie avaient circulé généreusement pour faire du destin de ce Colston de bronze, à peu près inconnu jusque-là, un exemple spectaculaire de cette vague iconoclaste commencée quelques semaines plus tôt aux États-Unis avec l'explosion bientôt mondiale du mouvement Black Lives Matter. Jusqu'ici, la mémoire populaire locale de Colston avait retenu son action philanthropique et sa part dans le développement de la ville de Bristol qui avait donc choisi de le célébrer aux yeux des passants. Désormais, il était mondialement connu pour ses activités dans la traite négrière au XVIIe siècle. Un mois plus tard, une nouvelle statue signée par l'artiste Mark Quinn avait été érigée sans accord de la municipalité. Elle représentait Jane Reed, une manifestante photographiée le poing levé le jour même du déboulonnage. La statue de Colston, repêchée dans les eaux de la rivière Avon, où elle avait terminé son parcours, n'avait pas été remise en place et son sort était régulièrement évoqué. Que faire de ces statues désormais retirées de l'espace public? Les remettre à leur place, mais en ériger d'autres à l'effigie de leurs victimes? Avec la promesse de transformer les vieilles métropoles en forêts de statues, de mémoire et d'histoire. Devait-on leur dédier des espaces plus discrets, des jardins du souvenir, pour matérialiser le temps long de l'histoire de l'esclavage sur le modèle des parcs de bustes de Staline que l'on peut trouver en Russie depuis la chute de l'Union soviétique? On était sans nouvelles du Colston de Bristol jusqu'à la semaine dernière. La statue a été exposée au musée Hempstead, le musée d'histoire de la ville de Bristol. Elle apparaît toujours couverte des inscriptions à la peinture rouge et bleue qui ont accompagné sa destitution. Ses graffitis font désormais partie intégrante de son histoire, comme le remarque David Olusoga dans Le Guardian, comme les graffitis sculptés dans Stonehenge et les pyramides ou les inscriptions des soldats de l'armée rouge en 1945 sur les murs à l'intérieur du Reichstag. Colston n'a pas été disposé debout, mais allongé. Il est de retour, cette fois-ci dans un musée, mais dans la position renversée du disgracié, dans une posture pensive et un peu comique de celui qui tente toujours de comprendre un tournant inattendu et pas franchement désirable de son destin, les bras croisés et une main sous le menton. Selon le critique d'art Alastair Sook, Colston est désormais une célébrité déshonorée. Et la décision des conservateurs du musée de laisser les graffitis infligés par les déboulonneurs constitue une insulte calculée qui contient sa déchéance publique. Un enregistrement de l'histoire du temps présent qui n'a pas encore trouvé les moyens de l'apaisement social autour de l'histoire à venir dans l'espace public de Bristol et d'ailleurs. Merci Anaïs Quien. Le journal de l'histoire est à retrouver sur l'application franceculture.fr et sur le site, sur l'application Radio France et le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Diudès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, notamment toute la série que nous avons consacrée à l'art de l'éloquence. Demain, dans le cours de l'histoire, fou d'histoire avec Riyad Satouf.